gens qui croisent ton chemin ont le regard posé si loin. Ils ne voient même pas le vent et le temps s'enfuit déjà. Les dieux t'attendent sur la montagne. Ce serait bien que je t'accompagne. Change d'histoire et tu verras, c'est peut-être un peu trop pour moi, peut-être un peu trop pour toi. Mais toi tu marches à petits pas, tu touches du bout de tes doigts. Chaque jour, chaque nuit, chaque vie aussi te semble infini. Chère chance, je ne sais quoi, tu te sens vivant, souris déjà. Elle est en toi cette montagne, oh oh, et c'est pour ça que je t'accompagne. Change d'histoire et tu verras, c'est peut-être un peu trop pour moi, peut-être un peu trop pour toi. Peut-être un peu trop pour moi, peut-être un peu.